Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coûts humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Élysée 81, une série de Christelle Le Polotec réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a une furieuse envie de plonger dans les archives et de remonter le temps pour dérouler le récit d'une élection restée dans les mémoires et faire ressurgir toute une époque. Mais pour ça, il faut se souvenir de qui s'est mis dans la course. Alors pour commencer, les personnages. Un communiste qui a de la répartie, un président candidat, un socialiste qui renonce, une femme qui se décide, un ministre déloyal, une conseillère qui sort de l'ombre, un scientifique à bonnet rouge et un comique comme un pavé dans la mare. Ensuite, le décor. Un horoscope, des débats, des tribunes, des estrades, des discours, des billets politiques, des plateaux télé et des studios de radio dans des villes françaises. Aujourd'hui, premier épisode, on a sorti les cuivres. Premier invité donc d'Interactualité Magazine, Monsieur Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste. Avant d'entamer le débat, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter un bon anniversaire, Monsieur Marchais. Vous fêtez aujourd'hui, je crois, votre 53e anniversaire. 53 ans, oui. Et j'ai eu la curiosité de lire votre horoscope ce matin. On peut y lire « D'heureuses influences faciliteront vos démarches et vos succès professionnels et vous ferez preuve d'un dynamisme étonnant qui vous poussera vers l'action et aussi vers la réalisation de vos projets. » Alors si je comprends bien, tout va très bien pour Monsieur Marchais. Oui, une perspective d'une victoire de la gauche. Je me réjouis aujourd'hui de voir que les raisons pour lesquelles Léon Blum et les socialistes de la SFIO ont en 1920 au congrès de Tours refusé de rallier la troisième internationale, je veux dire l'internationale communiste, je me réjouis de voir que les raisons qui étaient celles de la démocratie et de l'indépendance de la politique extérieure française, je me réjouis que ces thèmes idéologiques aient fini par triompher, puisqu'ils ont valu au cours de ces dernières semaines le ralliement du Parti communiste, ce qui m'autorise à dire que si les communistes de 1920 avaient parlé comme les communistes de 1976, il n'y aurait pas eu de scission à Tours et la classe ouvrière serait sans doute depuis longtemps au pouvoir en France. De l'Union de la gauche à la présidentielle de 1981. Une série en 4 actes et tout en archives sur les événements qui ont mené à la victoire de François Mitterrand le 10 mai 81, il y a 40 ans. Amis et camarades d'Union populaire, que vous scandez, elle est ici réalisée sur cette tribune et dans cette salle. Parti socialiste, Parti communiste français, mouvement des radicaux de gauche, qui avons ensemble signé le programme commun de gouvernement. Retour le 25 avril 1974 au meeting unitaire de la gauche, porte de Versailles. Amis et camarades, par millions et par millions, les Français et les Françaises apporteront leur voix au candidat commun de la gauche, à François Mitterrand. 17 septembre 1977. La semaine qui vient de s'écouler marquera peut-être un véritable tournant dans la vie politique française. Ce sera la semaine où l'Union de la gauche a craqué et qui plus est en direct devant des millions de téléspectateurs. Chacun savait que le premier sommet de la gauche serait pour le moins difficile et qu'il risquait de se terminer par un échec. Le climat était tel, lundi et mardi, à la veille de la réunion au sommet, le ton de la polémique entre communistes et socialistes était tel qu'on s'attendait au pire, mais on ne s'attendait certes pas à ce que les difficultés viennent des radicaux de gauche, la troisième famille, la plus petite et la moins bien lotie de l'opposition. Pourtant, c'est Robert Fabre qui a claqué la porte de la réunion à 20h05, ce mercredi 14 septembre. Terrain choisi par les radicaux, les nationalisations. Monsieur Fabre demandait qu'on ôte du programme commun la fameuse phrase concernant les nationalisations à la carte. Les communistes s'y sont opposés. De la même façon, les radicaux jugeaient que la nationalisation des 9 groupes industriels prévus par le programme commun de 1972 était bien suffisante, qu'elles étaient à la limite de ce qu'ils pouvaient accepter. Les nouvelles propositions du Parti communiste allaient beaucoup trop loin pour eux. De cette rupture, les socialistes n'avaient pas été informés. Monsieur François Mitterrand avait choisi comme tactique d'énumérer les unes après les autres toutes les divergences entre le Parti communiste et ses partenaires, de régler ce qui pouvait être réglé immédiatement et de garder pour la fin ce qui ne pouvait pas l'être, en se réservant à ce moment d'intervenir avec fermeté. Le départ de Robert Fabre lui a, de ce point de vue, évidemment coupé l'herbe sous les pieds, et François Mitterrand n'aime pas ça du tout. Notre pays avait choisi l'union de la gauche lors des dernières élections cantonales et municipales. Il est clair aujourd'hui que l'espoir que celle-ci portait s'est brisé le 22 septembre 1977 sur sa désunion. L'histoire jugera comme il convient ceux qui en ont pris la responsabilité, n'hésitant pas à joindre leurs attaques violente, incessante, à celle de la droite contre le Parti Socialiste. Écoute, ça s'appelle Carillon. Ouais, mais ça, c'est un peu court, monsieur Marchais. C'est un peu court. Une minute. Je voudrais dire, parce que vous avez pas mal d'amis ici, que nous ne sommes pas au Music Hall. Alors, s'il vous plaît, les applaudissements, c'est pour d'autres émissions. Merci. L'émission avec des applaudissements ou des sifflets. Je repose ma question, qui est une question importante. Mais je viens de vous répondre. Non, monsieur Marchais. La reposez pas, je l'ai compris. Dans la nuit même, nous avons signé le programme commun, je crois, 2h du matin. 2h. Je vois que mes camarades disent 4h. Enfin, il était tard. 4h du matin. Ou tôt. Qu'est-ce que veut François Mitterrand? Il prend l'avion, il s'en va à Vienne devant l'International Socialiste. L'International Socialiste le critique. Il leur dit, mais rassurez-vous, mes amis. J'ai signé le programme commun pour prendre 3 millions de voix au Parti communiste français. Par conséquent, contrairement à ce qu'était l'engagement qui avait été pris entre le Parti socialiste et nous, dans le constat que nous avions fait à la fin de 70, François Mitterrand n'a signé le programme commun comme un moyen d'affaiblir le Parti communiste français. Deux questions. Et ce sera sa ligne constante contre laquelle nous allons devoir lutter de 1972 à 1977. Alors, deux questions. Et en 1977, j'en aurais terminé de ma démonstration, parce que là encore, il a dit une contre-vérité que vous n'avez pas relevée. Quand il a dit, c'est Georges Marchais qui, en 1977, le premier, sur la question de politique extérieure, a remis en cause le programme commun. C'est une question. 31 juillet. Eh bien, messieurs, ça s'est passé le 28 juillet. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision, et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13h, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés à Paris, et c'est au début d'août qu'à la télévision, je me suis expliqué sur cette question-là. Alors, qu'est-ce qui ressort de ça? Une chose. Oui. Il ressort, j'ai voulu faire ce brin d'histoire pour montrer qu'en définitive, la politique d'union de la gauche pour François Mitterrand n'a toujours constitué qu'une manœuvre destinée à essayer d'affaiblir le Parti communiste français. Avec la rupture de l'Union de la gauche en septembre 77, une page se tourne. Alors que la classe politique a les yeux rivés vers l'échéance de la prochaine élection présidentielle, au PS, la figure de Mitterrand commence à être contestée. Au lendemain de la défaite de la gauche, aux législatives de 78, les hostilités sont officiellement ouvertes. Michel Rocard, qui dépasse désormais Mitterrand dans les sondages, déclare aux journalistes que selon lui, un certain style de politique, un certain archaïsme, sont condamnés. Il nous reste très peu de temps, mais il faut quand même en dire un mot. Pourquoi nier l'évidence, Jean-Pierre Chevènement, c'est-à-dire l'audience croissante de Michel Rocard dans l'opinion et que vient de confirmer sa prestation à carte sur table? Pourquoi votre acharnement à le discréditer dans le parti en le présentant comme un candidat de division? Je reprends l'expression de votre ami Georges Sarre hier à notre micro. Non, permettez, il y a des mots que je n'emploie pas et que je n'aime pas qu'on emploie. Je ne vise à discréditer personne. Il y a dans le Parti Socialiste des gens de talent dans tous les courants, je crois. Simplement, ce n'est pas faire offense à Michel Rocard que de constater qu'il défend une ligne qui n'est pas la ligne du Parti Socialiste, qui n'est pas la ligne que le Parti Socialiste a confirmée en adoptant son projet il y a un mois. Michel Rocard s'est présenté comme le porte-parole d'une volonté collective. Où s'est formée cette volonté collective ? Dans le Parti Socialiste, pour ma part, j'en doute. Je vois bien la cohérence de sa ligne. Je vois bien sa continuité depuis l'époque, d'ailleurs, où il était secrétaire national du PSU. Je vois bien que, entre le moment où Michel Rocard se tenait à l'écart de l'Union de la Gauche, refusait de signer le programme commun, le combattait même, quand il s'y ralliait ses contraintes forcées, entre le moment où, de l'intérieur, il a pesé sur les choix du Parti Socialiste et puis la ligne autonome qu'il prône aujourd'hui, il y a une continuité. Je lui rends cet hommage. Mais ce n'est pas la ligne du Parti Socialiste. Qu'il s'agisse de cette idée, à mon avis, totalement irréaliste, d'un gouvernement socialiste homogène, qu'il s'agisse de la conception de politique internationale, qu'il s'agisse de la conception même du pouvoir, je pense que Michel Rocard développe une ligne qui lui est tout à fait particulière. Et par conséquent, je ne vois pas le Parti Socialiste, pour être franc, désigner un candidat aux élections présidentielles qui incarnerait une autre ligne politique que celle qu'il a collectivement et démocratiquement élaborée. Et s'il était candidat, vous seriez candidat contre lui ? Écoutez, si il y a des candidats... Le temps qui nous est imparti est terminé. S'il y a des candidats... Une réponse brève. Si François Mitterrand est candidat, je suis persuadé qu'il sera le candidat du consensus au sein du Parti Socialiste. Mais si c'était Michel Rocard ? Eh bien, je pense qu'il y aurait plusieurs candidats. Voilà, la course à la présidentielle est lancée. Pour rappel... En cette année 1980, la France est alors coupée deux fois en deux. D'un côté, le PC et le PS. De l'autre, Giscard et Chirac, qui a démissionné de son poste de Premier ministre avant de créer le RPR en 76. Ce morcellement est l'occasion pour les petits partis, ou les dissidents des grands, de se faire une place dans la campagne. Les personnalités de la société civile se mettent aussi sur les rangs, comme Coluche ou le commandant Cousteau, qui a été un moment pressenti pour représenter les écologistes. Huguette Bouchardot, nous sommes bien obligés de considérer que vous n'êtes pas nombreuses, celles qui allaient au combat, et les partis politiques ne lancent pas beaucoup de femmes en première ligne. Alors vous êtes secrétaire national du Parti Socialiste Unifié, du PSU. Vous êtes candidate aux élections présidentielles. Vous avez le trac, car c'est une nouvelle aventure qui commence. Bon, vous êtes professeur, agrégé de philosophie. Je ne sais pas si la philosophie vous préparait à cette aventure-là. Mais a-t-on le trac lorsqu'on se lance sur ce terrain ? En tout cas, je ne sais pas si on l'a, mais moi, je l'ai. Ouais. Je veux dire que, pour ma part, je ne me sens pas très sûre. Sur ce nouveau terrain. Je ne me sens pas sûre, d'abord parce que je pense que c'est un terrain qui n'est pas un bon terrain. Nous sommes obligés, dans un parti politique, de mener les batailles politiques là où elles se mènent. Mais nous contestons, et je conteste tout particulièrement, cette sorte de personnalisation à outrance, qui est un héritage de la Constitution de 58, et qui fait que le pouvoir présidentiel en France est tel que tout repose, tous les pouvoirs importants reposent entre les mains d'un seul homme en France. Et je dis qu'il y a une sorte de folie à faire qu'on ait ainsi à se présenter à une sorte de pouvoir suprême. Déjà, quand on se présente à une délégation de pouvoir dans la vie municipale, dans une élection syndicale, ou bien même à des élections législatives, déjà, on doit toujours contrôler le pouvoir d'un élu. Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de pouvoir délégué à un seul ? Quand j'entends des candidats aux élections présidentielles dire qu'ils se sentent capables de le faire, je me dis, la folie les a vraiment gagnés. Et vraiment, ça, c'est la politique que je n'ai pas envie de faire du tout. Alors je me dis, bien, on est obligé de passer par là. La bataille politique de 81, ça prend cette forme des présidentielles. On est obligé d'avoir un porte-parole. Et mon parti m'a désignée pour ça. Et vous serez sur l'écran toute seule. Et je serai sur l'écran toute seule. Et croyez-moi, je préfère beaucoup discuter avec vous plutôt que d'être sur un écran comme ça, toute seule face aux téléspectateurs, comme on dit. Brice Lalonde, il y a comme un malaise au sein des écologistes. Dimanche, il y a des primaires régionales pour désigner un ou plusieurs candidats à la candidature. Est-ce que finalement, l'écologie ne devient pas une idéologie et est-ce que ça n'est pas une espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur le mouvement ? Non, je ne crois pas. Les écologistes, ce sont des gens qui refusent la doctrine. Nous ne sommes pas des doctrinaires. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le programme écologiste est un petit peu dépassé, qu'il faudrait peut-être le rajeunir ? Je pense notamment au nucléaire. Est-ce que votre non absolu au nucléaire ne doit pas être revu et corrigé ? Et est-ce que vous ne devriez pas peut-être envisager une gestion, disons, critique et démocratique du nucléaire ? Il est vrai que nous sommes en présence de ce qu'on peut appeler un coup parti. C'est-à-dire qu'il y a déjà des centrales nucléaires qui fonctionnent. Par conséquent... Parce que dans le fond, c'est un mouvement un petit peu irréversible aujourd'hui, le nucléaire. Je ne crois pas que ce soit un mouvement irréversible. Ce qui est dramatique dans le nucléaire, c'est que ça ne fonctionne pas et que ça ne répond pas aux attentes que le gouvernement ou les pouvoirs en place voulaient. En principe, ça devait remplacer le pétrole. Or, ça ne remplace pas le pétrole et ça fuit de tous les côtés. Ça ne marche pas, il y a des fissures. Par conséquent, notre problème n'est pas simplement maintenant d'arrêter le programme nucléaire, il est aussi de passer le plus vite possible à autre chose. Et c'est évidemment ce que nous allons faire et proposer. Alors, Brice Lalonde, un dernier mot. Si véritablement vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord sur un candidat, est-ce qu'il n'y aurait pas de candidat écologiste ? Il y aura un candidat écologiste et bien entendu, nous allons nous mettre d'accord. Merci. Dernier en date, Roger Garaudy, le célèbre écrivain exclu du Parti communiste en 1970. Cet après-midi, M. Garaudy a annoncé sa candidature au micro d'Henri Pajot en des termes assez ésotériques. La victoire est certaine. La victoire, c'est-à-dire, dans une élection sans vaincu, la possibilité de rendre à notre peuple la maîtrise de son avenir, le pouvoir de s'arracher aux dérives mortelles de la croissance effrénée et de l'atome. Pour sortir de l'ornière, notre pays, aujourd'hui, nous en sommes convaincus, n'a pas besoin d'un Bonaparte, mais de milliers de Gandhi éveilleurs, c'est-à-dire d'hommes et de femmes debout. Michel Crépeau est en direct avec nous dans ce journal. Michel Crépeau, bonjour. Bonjour. Avant de vous interroger, Hélène Bessis, dressons un rapide portrait de celui qui est avec nous en direct aujourd'hui et qui a pris les destinées du mouvement des radicaux de gauche en main depuis maintenant 2 ans. Michel Crépeau a 50 ans, ou plutôt, si je veux être vraiment précise, il les fêtera le 30 octobre. Cet avocat vendéen, émigré en Charente-Maritime, se considère et radical depuis 30 ans, toujours à gauche, précise-t-il. Dès 66, il devient président de la Fédération radicale socialiste de Charente-Maritime. Et s'il est candidat malheureux aux élections législatives de 67 et 68, il réussit en 1971 à battre le gaulliste Philippe de Chartres et est alors élu maire de La Rochelle. Il entre à l'Assemblée nationale en 1973. Alors, vous serez l'opposant de M. Giscard d'Estaing dans la campagne présidentielle. L'un des opposants, Yves Mourouzi, l'un des opposants. L'un des opposants, enfin, bien sûr. Si je pouvais être l'opposant au second tour, je ne suis pas contre, mais enfin, je suis réaliste, j'ai les pieds par terre. Notre objectif, c'est de réaffirmer la place essentielle du radicalisme dans ce pays et la place du radicalisme pour permettre à la gauche de gagner, car sans le radicalisme, la gauche ne peut pas gagner en France. Et je me suis donné pour mission d'essayer de faire comprendre cela et de redonner un contenu actuel à cette notion de l'humanisme radical. Enfin, et nous allons commencer par là, le choc Rocard. Il s'est produit hier, en cette journée de dimanche. Une journée qui se terminait dans une certaine euphorie hier soir à Conflans-Sainte-Honorine. Bruno Mazur. C'est une véritable nuée de photographes qui s'est abattue sur la salle des mariages de la petite mairie de Conflans-Sainte-Honorine hier soir. À croire que les stocks de photos Rocard avaient été dévalisés la veille. La séance de mitraillage dure près de 5 minutes. Michel Rocard a beau parfaitement maîtriser l'outil télévision, son sourire crispé cache mal l'émotion, voire la tension. D'accord, oui. Déclaration Michel Rocard, tout le monde est prêt ? Oui. Vous tournez ? Déclaration Michel Rocard, première fois. Bonsoir. Ici, à Conflans-Sainte-Honorine, et aujourd'hui, j'ai décidé de proposer aux socialistes d'être leur candidat à la présidence de la République. Aujourd'hui, parce que le Parti Socialiste est un parti démocratique, où tous les adhérents votent pour désigner leur candidat, et que cette procédure de désignation commence aujourd'hui. Le temps est donc venu, pour les socialistes, en même temps que pour l'opinion tout entière, de savoir clairement et sans équivoque à quoi s'en tenir. Le temps est donc venu qu'un candidat soit un candidat, car la détermination est une condition du succès. Ma fédération socialiste, celle des Yvelines, est dès lors conviée à en délibérer et à présenter ma candidature dans le respect de nos règles et de mes engagements. Dans 7 mois, vous élirez le nouveau président de la République. J'ai confiance. C'est fini. En 6 minutes et 23 secondes, très exactement, Michel Rocard a lancé son appel de Conflans devant 6 télévisions, dont une chaîne américaine et une allemande, et une 60aine de journalistes qui ont pour la plupart abrégé leur week-end en catastrophe. Avant de regarder le journal télévisé sur TF1, le candidat retrouve ses supporters qui ont suivi le discours grâce à un circuit fermé de télévision. Les cris « Rocard président » se transformeront vite en « Michou, un bisou ». Au milieu de ses amis, Michel Rocard peut enfin se détendre et retrouver un vrai sourire. La direction du PS, fidèle à François Mitterrand, a paraît-il reçu aujourd'hui une avalanche de coups de fil. Les militants appellent par grappes entières pour dire qu'ils sont choqués par l'attitude de Michel Rocard. Le moment de surprise passé, il est certain que l'appareil du PS va se mettre en branle. Les hommes de Mitterrand pourraient bien renvoyer le boomerang à Conflans-Sainte-Honorine. Quand et comment, l'avenir le dira. D'ores et déjà, on reproche à Rocard de confondre politique et publicité, pour reprendre l'expression de Jean Popren, l'un des fidèles de François Mitterrand. À droite aussi, les choses s'emballent. Les candidatures gaullistes se multiplient. Après Michel Debré, à l'été 80, c'est au tour de Marie-France Garot de s'y coller. Décidément, la course à l'Élysée réserve bien des surprises. Dernière en date, la candidature de Marie-France Garot. L'ancienne conseillère politique de Georges Pompidou et de Jacques Chirac vient de l'annoncer à la télévision sur TF1 dans le magazine L'Événement. Oui, je suis candidate. Oh, je sais. J'ai mesuré, plus que tout autre, les risques et les difficultés pour moi d'une pareille entreprise. Mais je crois que je dois le faire. Je pense que c'est nécessaire pour défendre les idées auxquelles je crois et qui, pour moi, déterminent la survie de notre pays. Longtemps conseillère officielle du mouvement gaulliste, Marie-France Garot est bien connue du monde politique, mais pour les Français, c'est-à-dire les électeurs, c'est encore une inconnue, Dominique Souchier. Et pour cause, Marie-France Garot n'a jamais exercé de mandat électif. Elle n'a pas été ministre, elle n'a pas été non plus députée. Elle a été ces dernières années, dans l'ombre, une conseillère. D'abord de Jean Foyer, lorsqu'il était ministre de la Coopération, c'était au début des années 60. Ensuite de Georges Pompidou, du Georges Pompidou Premier ministre, comme du Georges Pompidou Président de la République. Et enfin, une conseillère de Jacques Chirac au RPR. De quoi se faire une réputation, en même temps que beaucoup d'ennemis. Mais depuis les dernières élections européennes, Marie-France Garot avait pris ses distances et elle l'a d'ailleurs confirmé ce soir à TF1. Même si je reste lié par l'amitié avec Jacques Chirac, je n'étais pas d'accord avec lui, a-t-elle dit, sur la conception de l'homme d'État et sur ce qu'il a laissé faire du RPR, un parti préoccupé par la stratégie et non par l'intérêt général. Et puis, et ce reproche s'adresse cette fois à l'ensemble de la classe politique, Marie-France Garot considère aussi que l'on sous-estime actuellement beaucoup trop la volonté de domination de l'impérialisme soviétique, d'où sa candidature. Et cette femme de l'ombre va donc connaître, à son tour, les feux de la rampe de l'élection présidentielle. Je ne me présente pas avec un programme, je ne demande pas à être élu. Moi, pour l'instant, ce que j'ai, c'est un carnet, un cahier de charges. Les 1 500 000 chômeurs, comme les PD, comme les nègres, comme tous les parasites, les faiseurs de patins roulettes, les appelés du contingent et tout ça, sont des gens qui, pour l'instant, sont rejetés par la société et qui ne valent rien vis-à-vis des hommes politiques, même de gauche. Et pour moi, ils valent quelque chose, c'est des mecs qui, comme moi, sont consommateurs de politique et qui savent très bien que personne ne fait rien pour eux et s'en fout complètement d'eux. Sous prétexte qu'ils votent pas. Donc je veux que ces gens-là, une fois pour toutes, sachent qu'ils existent et qu'ils ont une voix et qu'ils sont nombreux. Ma candidature, je la résumerai comment j'ai voté pour rien pendant longtemps. Les autres, en tout cas, ont fait comme moi, ils ont voté pour rien. Aujourd'hui, on va voter pour quelqu'un qui, politiquement, n'est rien. Ils nous prennent pour des imbéciles, votons pour un imbécile. Voilà. Ça va? On dit que c'est bon? Je peux y aller? Je vous remercie bien. Ce langage a plu. Nicou, le porte-parole des petits commerçants, a adoré. J'apporte mon soutien à Coluche, annonce-t-il. Derrière lui, des milliers de charcutiers et de bouchers jubilent. Aux antipodes, les philosophes révolutionnaires, Gilles Deleuze et Félix Guattari, lancent un appel avec des dizaines d'intellectuels. Félix Guattari s'explique. Dans ce que j'appelle la révolution moléculaire, les luttes de désir, comme on voudra, les gens ne se séparent pas forcément en droite et gauche. Les chauffeurs de taxi, le bistrot, sont pour Coluche? Le degré zéro du politique n'est pas forcément stupide. Il révèle quelque chose. Déjà du temps de la gauche prolétarienne, au début des années 70, les petits commerçants et les révolutionnaires s'étaient retrouvés. Coluche est un homme de médias, un professionnel. À côté de lui, Marchais et Mitterrand sont des amateurs. Ce mouvement un peu populiste, il vaut mieux le voir à gauche qu'à droite. Autrement, c'est le fascisme. Aider Coluche, c'est ce qu'on peut faire de moins con. Le Nouvel Observateur, 17 novembre 1980. Je voudrais vous poser une toute dernière question, Claude Estier. C'est vous qui, après les communistes, mais moins violemment, et cela dans l'unité, êtes parti à l'assaut de Coluche ou du phénomène Coluche, et par la même occasion de votre collègue Jean Daniel, directeur du Nouvel Observateur, pour la place qu'il accordait à ce phénomène, et par la même occasion contre Valéry Giscard d'Estaing en parlant de Giscarluche. Alors, comme ça, vous croyez que l'on veut, avec Coluche, saper le moral des socialistes? C'est ce que vous avez dit? Non, c'était pas ce que j'ai dit. Je ne suis pas parti à l'assaut de Coluche. Je m'en prends à ceux qui, et cela se trouve certainement d'abord parmi un certain nombre d'intellectuels dits de gauche, à ceux qui accordent aujourd'hui une publicité que je trouve tout à fait exagérée à ce qu'ils appellent le phénomène Coluche. Moi, j'ai rien contre Coluche. Coluche est un comique professionnel qui fait rire, et j'ai souvent ri aux sketchs de Coluche. Je dis simplement qu'il est navrant que l'on puisse imaginer que Coluche exprime aujourd'hui les sentiments de la France profonde en matière de choix politique dans notre pays. Je pense que ceci est navrant. Et il est tout à fait navrant que des intellectuels dits de gauche, et c'est le reproche amical que j'ai fait à Jean Daniel, accorde un support à cette idée avec tout ce que représente leur journal et tout ce que représente leur moyen d'expression. Monsieur Claude Estier était interrogé ce matin par Joseph Paltou. Monsieur Claude Estier, directeur de l'hebdomadaire du Parti Socialiste, l'Unité. 8h-8. L'événement du jour était attendu. Il est de politique intérieure française et il montre bien comment une élection présidentielle chasse l'autre. L'Amérique avait à peine fini de voter que l'on se préoccupait de la course à l'Élysée. Chevènement, Rocard, Mitterrand, qui serait le candidat du Parti Socialiste, ce matin, le comité directeur du PS se réunissait. La décision de François Mitterrand n'était pas attendue, en principe, avant la fin de la journée. Le coup de théâtre s'est produit dès l'ouverture de la séance, quand Louis Mermaz, qui préside le comité directeur, donnait lecture de quelques lignes que lui avait fait passer le premier secrétaire du Parti Socialiste, dans lesquelles il lui disait « Je vous serai reconnaissant de bien vouloir informer le comité directeur du parti pour qu'il prenne acte qu'en réponse aux fédérations qui m'ont demandé d'être le candidat à la présidence de la République, je soumets cette candidature au vote des membres du parti. » Arlette Chabot, un certain nombre d'éléments retiennent l'attention. Le premier d'entre eux, c'est peut-être d'abord la rapidité avec laquelle la décision de François Mitterrand a été connue. Oui, effectivement. Donc François Mitterrand devrait s'exprimer, et puis ensuite ce sera au tour de Michel Rocard et bien sûr de Jean-Pierre Chevènement. Alors Michel Rocard devrait donc dire qu'il respecte ses engagements, à savoir donc qu'il respecte le serment fait au congrès de Metz, de se retirer pour laisser la place à François Mitterrand. Je vous rappelle toutefois que François Mitterrand l'avait délié de ce serment, mais Michel Rocard tient à le respecter. Il retire donc sa candidature pour éviter une primaire au sein du parti, une primaire qui, selon lui, serait suicidaire. Bien sûr, dans le camp des Rocardiens, on est un petit peu déçus maintenant, on s'en doute, mais les amis de Michel Rocard disent tout de même qu'ils ont au moins réussi à faire sortir François Mitterrand de son hésitation et le forcer donc à se déclarer maintenant plus vite que prévu et que la situation est donc ainsi éclaircie. De plus, Michel Rocard aurait l'intention dans les semaines qui viennent de faire en sorte que ses idées soient reprises dans le programme que développera le candidat François Mitterrand. Enfin, donc, il ne faut pas oublier qu'il y avait un troisième homme dans la course, Jean-Pierre Chevènement. Eh bien, ce sera pour lui une formalité. Il dira tout à l'heure, effectivement, qu'il se retire. L'événement est passé presque inaperçu au milieu des préparatifs de la fête de Noël, un événement qui pourtant donne à réfléchir. À Vitry-sur-Seine, un foyer de travailleurs immigrés a été dévasté par un groupe d'hommes et plusieurs témoins affirment qu'au milieu de ce groupe d'hommes se trouvait le maire de la commune. Les 300 Maliens venaient d'être transférés de Saint-Maur à Vitry. Or, à Vitry-sur-Seine, la municipalité communiste estime ne plus pouvoir accueillir davantage d'étrangers. Ils représentent plus de 15% de la population de la ville et le Parti communiste demande depuis plusieurs mois une répartition plus équitable de la population émigrée. Alors, le 24 décembre, alors que les Maliens étaient en train de s'installer, une cinquantaine d'hommes sont entrés dans le foyer. Pour le maire et ses amis, c'était tout simplement une manifestation. Pour les Maliens, une véritable agression. Il n'y a pas eu d'affrontement, mais en l'espace de quelques minutes, les canalisations d'eau, de gaz étaient coupées, les fils électriques et téléphoniques arrachés, les escaliers du bâtiment défoncés à coups de bulldozer et les issues obstruées par des masses de terre déversées devant les entrées. Et l'on aboutit à ces bavures de Vitry, de Montigny-les-Cormeilles et d'ailleurs, dont chacun voit bien qu'elles ne sont ni isolées ni le fait du hasard, puisque aussi bien la direction du parti les couvre et les revendique comme symbole de sa politique, si même elle ne les planifie pas en fonction d'un calcul électoral d'une effroyable inconscience. Ce qu'on escompte ainsi, manifestement, c'est de détourner au profit du parti, dans la phase difficile qu'il traverse, ce courant de peur, d'autodéfense et de repli sur le chacun pour soi des avantages acquis que nous sentons monter autour de nous, jusque chez nos voisins, nos amis ou nos collègues, et que la loi sécurité et liberté a pour fin déclarée de ranger derrière le gouvernement. C'est sur ce terrain désormais que risque de s'exercer la concurrence des appareils politiques. C'est cette démission, cet abandon au racisme et au populisme, ce perfidisme du pauvre que manifestent soudain au grand jour les opérations bulldozers, les quotas administratifs destinés à imposer le seuil de tolérance là où nous en avons le pouvoir, et le risque pris sans hésiter d'assimiler dans l'opinion tout maghrébin à un trafiquant de drogue en puissance. Combien de temps faudra-t-il au parti, dans ces conditions, pour passer à l'étape suivante? Qu'ils rentrent chez eux, ils nous prennent notre travail. Écoutez la rumeur, c'est la conséquence qu'on en tire déjà. Le Nouvel Observateur, 9 mars 1981, article qui a valu à son auteur, Étienne Balibar, d'être exclu du PCF. Mes chères Françaises et mes chers Français, ce soir est une fête, mais c'est aussi un de ces instants, bien rares en vérité, où je peux m'adresser à vous sans être tenu par un sujet particulier. La fin d'une année qui emporte des joies et des peines, des amours et des regrets, des souvenirs qui pâlissent, l'arrivée d'une nouvelle année, encore inconnue et indécise, nous rappelle la marche du temps pour chacun d'entre nous et nous invite à la réflexion. Et maintenant, ce n'est plus le président qui vous parle. C'est votre compatriote qui vous souhaite de tout cœur, à vous Françaises, à vous Français, une année qui satisfasse vos espoirs et vos ambitions. Une année heureuse pour vos enfants, avec leur joli sourire innocent. Une année où la solitude soit moins glacée pour les isolés, où la maladie soit moins cruelle pour les malades, où les difficultés de tous les jours soient moins lourdes pour les plus démunis. Une année de paix. Et tout simplement, si la Providence le veut bien, une année de bonheur. Bonsoir et bonne année. L'année 1981 peut enfin commencer. Une année qui s'annonce bien difficile pour Giscard d'Estaing, avec l'annonce de la candidature officielle de son rival et ancien Premier ministre, Jacques Chirac. Pour lancer sa campagne électorale cet après-midi à Paris, Jacques Chirac avait laissé sa panoplie de hussards au vestiaire, fini le style coup de poing, oublié les petites phrases assassines. Le candidat gaulliste veut donner de lui, c'est à la mode, l'image d'un homme au-dessus de la mêlée. Avant de pénétrer dans la salle de l'hôtel Sheraton à 15h, Monsieur Chirac avait fait savoir aux quelques 400 journalistes présents qu'il ne répondrait pas aux questions de politique politicienne et qu'il éviterait la polémique et ses mesquineries. Si je n'avais pas pris cette décision... Il y a de fortes chances pour que les Français se soient trouvés dans l'obligation de choisir en 1981 exactement comme ils avaient dû le faire en 1974. C'est-à-dire entre M. Valéry Giscard d'Estaing, dont le bilan à l'issue de son septennat ne conduisait pas spontanément et de gaieté de cœur une majorité d'entre nous à souhaiter... lui donner un nouveau bail de 7 ans, et M. François Mitterrand, qui n'est pas aujourd'hui différent de ce qu'il était en 1974, ne peut pas être élu sans recueillir au deuxième tour la totalité des suffrages communistes. Demain, à la mairie de Paris, le candidat gaulliste recevra à déjeuner les parlementaires du RPR. Il se lancera ensuite dans une tournée marathon en province. En tout cas, entre gaullistes de tendance opposée, on ne se fait pas de cadeaux. L'entourage de Jacques Chaban-Delmas annonce ce soir que 8 nouveaux parlementaires gaullistes viennent de rallier la candidature de Bray. Il y en avait déjà 35. 35 plus 8 égale 43. Ces chiffres doivent vous rappeler quelque chose. C'est avec 43 élus gaullistes que Jacques Chirac avait torpillé la candidature Chaban en 1960. Nous voilà donc à la réponse du berger à la bergère. Monsieur Michel Debré, bonsoir. La préparation des élections présidentielles s'est brusquement accélérée, c'est le moins que l'on puisse dire ces jours-ci, avec l'entrée en campagne de François Mitterrand, puis de Jacques Chirac. Vous, vous êtes parti l'un des tout premiers, mais aujourd'hui vous voilà au milieu du tumulte et de la mêlée, avec un concurrent... Je m'y attendais. Avec un concurrent... gaulliste soutenu, lui, par le parti officiel, des gaullistes, sans compter que Marie-France Garraud... Oui, je fais attention. Je suis le gaulliste candidat. On va y venir. Et les autres se réclament du gaullisme. On va y venir. Oui, mais c'est important, dès le début, de bien le signaler. D'accord. Sans compter, j'allais le dire, que Marie-France Garraud, Michel Jobert peut-être, Valéry Giscard d'Estaing sans doute, se référeront... C'est ce que je dis. Eux aussi. Je suis le gaulliste candidat. Et d'autres, nombreux, se réclament du gaullisme. La différence est capitale, elle est importante, on pourra y revenir tout à l'heure, mais dès le début, il faut bien marquer les choses. D'autres donc suscités se référeront sans doute au général de Gaulle. Alors, tout a changé aujourd'hui. Mais y compris peut-être M. Marchais. Tout a changé. Le général de Gaulle appartient à tous les Français et à toutes les Françaises. Monsieur Debré, tout a changé aujourd'hui, vous en convenez. C'est pourquoi nous allons Michel Ferniaud de François, Patrick Poivre d'Arvor d'Antenne 2, Guy Claes du Matin, Henri Amouroux du journal Rhône-Alpes et Alain Johannes de France Inter. Nous allons vous demander, si vous le permettez, des explications et une clarification. Alors, vous avez dit et répété que vous iriez jusqu'au bout. Comment... Mais maintenant, je crois que vous pourriez poser cette question aux autres. Il est entendu, pour ce qui me concerne, que je vais jusqu'au bout. Demandez donc à Jacques Chirac, demandez donc à François Mitterrand, demandez donc aux autres cette question. Pour moi, la question est entendue. Non, j'allais vous demander comment vous alliez mener votre combat à la fois contre le président de la République, le président du RPR, les autres candidats se réclamant du gaullisme et vos adversaires habituels de la gauche. Je vais jusqu'au bout et je vous pose une question. Oui. Quelle est l'originalité, le sens de votre message, alors que le langage de Jacques Chirac et de Marie-France Garraud, par exemple... En effet, ils me lisent beaucoup et ils me copient beaucoup. Semble gaullien. Vrai. Que restera-t-il du gaullisme? C'est une question peut-être essentielle aujourd'hui après cette bataille fratricide. Mais je voudrais, si vous le permettez une fois encore, commencer par une question plus précise. Ni vous, ni Jacques Chirac n'a apparemment la moindre chance de figurer au deuxième tour s'il n'y a pas réunification. Tout est possible. Faites attention. Ne prenez pas comme ça des prévisions inutiles. Mais vous êtes comme Monsieur Marché, Monsieur Debray, avec les journalistes. Je peux aller jusqu'au bout de la question. Écoutez, la dernière fois, on m'a dit, mais comme vous avez été gentil avec les journalistes. Je suis très gentil, mais je suis ici pour que les auditeurs m'écoutent, et ils vont m'écouter, ils vont m'entendre. Last but not least, c'est maintenant au tour du président de la République, ou plutôt devrais-je dire du citoyen candidat, Giscard d'Estaing, de se déclarer depuis l'Élysée. Françaises, Français, mes chers amis, dans un peu plus de 50 jours, vous voterez pour le premier tour de l'élection présidentielle. Quelle est, à 2 mois de l'élection, la situation politique de notre pays? La crise économique, avec les mécontentements et les inquiétudes qu'elle engendre, et que je comprends, pèse sur les esprits. L'opposition demeure identique à elle-même, avec les mêmes dirigeants acharnés depuis 1958 dans leur lutte contre la Ve République. Dirigeants condamnés par la force des choses, soit à gouverner avec les communistes, soit à trahir leurs électeurs après avoir bénéficié de leur vote, ce qui n'irait pas sans secousse grave. Tout l'effort de rétablissement et de remise en ordre, tout le travail courageux des Français pendant les dernières années serait dissipé en quelques mois. Adieu alors la solidité du franc et la liberté d'entreprise. Adieu l'indépendance nucléaire et le rôle de la France dans le monde. Et je vous demande de lutter contre cette mauvaise fatalité et d'apporter votre soutien personnel au progrès de la France. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle pour un septennat nouveau. Je ne serai pas un président candidat, mais un citoyen candidat. Avec cette dernière déclaration, c'en est fini des candidatures. En ce mois de mars 81, ils sont en tout une 60aine à se présenter. Parmi eux, on trouve un président, un socialiste, un humoriste, 3 gaullistes, un détective privé, plusieurs experts comptables, et même le célèbre Hagigi Mouna, figure du Quartier Latin. Mais il reste une dernière étape à franchir. La loi organique du 18 juin 76 est venue renforcer le barrage établi en 62 dans le but d'éviter les candidatures farfelues. Il faut désormais 500 signatures de maires, de membres du Parlement, de conseils généraux, du Conseil de Paris ou des assemblées territoriales d'outre-mer pour pouvoir briguer la présidence de la République. L'invité du Crible et de Daniel Grand-Clément aujourd'hui, c'est M. Alain Krivine de la Ligue communiste révolutionnaire, l'un de ces petits candidats, et ce n'est pas péjoratif de ma part, qui ont tant de mal tout de même à trouver ces fameuses signatures. Vous en êtes où, alors? Bien, en ce qui nous concerne, aujourd'hui nous en sommes à peu près à 400 signatures, c'est-à-dire qu'il en manque une centaine. Et comme vous le savez, nous sommes, je crois, à la veille d'un vrai scandale politique, en ce sens que Giscard d'Estaing avait fait une loi qui visait à étrangler les petites listes de la part de ce grand démocrate. Rien de nouveau, c'était, je crois, prévisible. Mais on assiste à un spectacle alarmant. C'est de voir les partis de gauche qui se disent démocrates et pluralistes, qui avaient voté contre cette loi, et qui aujourd'hui, à leur tour, se chargent de nous étrangler. Et je crois que c'est un précédent terrible contre la démocratie. Alors 400, ça nous laisse encore un espoir, bien sûr, et nous faisons tout. Et j'en profite pour lancer un appel à tous les élus, indépendamment de ce qu'ils peuvent penser de notre programme, mais qui estiment que nous représentons un courant significatif et que nous avons, et que nous devrions avoir la possibilité de nous présenter. Monsieur Crivin, très rapidement, les 2-3 points forts de votre programme, qu'est-ce que vous... Les gens qui vont voter pour vous, ils voteront pour quoi et pour qui? Mais les gens qui voteront pour nous, ils diront très clairement, un, qu'ils en ont assez de la politique de marché de Mitterrand et de leur politique de division. Deux, qu'ils ont le sentiment d'avoir été trompés par Marché et Mitterrand en 78. Trois, en votant pour nous, ils diront clairement que ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est l'unité de tous les travailleurs pour battre Giscard au deuxième tour, l'unité dans les luttes pour s'opposer à l'austérité. Et en même temps, je crois qu'ils diront très clairement à Mitterrand que ces clins d'œil avec les gaullistes, ils n'en veulent pas. À Georges Marchais, que sa politique vis-à-vis des immigrés, ou sa politique nucléaire, ou sa politique de délégation, ils en ont assez, ils n'en veulent pas. Ce n'est pas une politique de communiste, digne de ce nom. Il y a aujourd'hui des centaines et des centaines de milliers de gens qui en ont ras-le-bol de cette politique de division, et ils peuvent le dire en votant pour nous. Le matin, 1980. Habillez-vous correctement, soyez polis, ne causez pas trop politique. Dit la note remise par la direction parisienne de la LCR, Ligue communiste révolutionnaire, à ses militants chargés de recueillir les signatures des maires qui devraient permettre à Alain Crivine de mener le combat présidentiel. Conseil judicieux, mais insuffisant, auquel il convient d'ajouter « Ayez un moral d'acier ». Car des chasseurs de gibier à poils ou à plumes qui parcourent actuellement les campagnes françaises, le chasseur de signatures est sans aucun doute celui qui doit connaître la plus grande ténacité et la plus infinie patience. En ce dimanche de beau temps glacé de tout nouveau mois de novembre, Madeleine et Robert commencent leur équipée. Point de départ, Reims, dans la Marne. Direction, les villages reculés à la croisée des routes départementales. Équipement, une voiture, une carte Michelin où l'on a tracé au crayon le secteur où sera organisée la battue systématique, la lettre d'Alain Crivine au maire, le formulaire provisoire établi par la LCR, où les élus compréhensifs apposeront leur signature, une bonne dose d'humour et des heures à perdre. Deux candidats n'ont toujours pas les 500 signatures. D'abord, Huguette Bouchardeau, la candidate du PSU. Elle accuse surtout la gauche de faire pression sur les élus. Si elle n'est pas présente au premier tour, elle annonce qu'elle ne donnera pas de consigne de vote pour le deuxième tour. Jean-Marie Le Pen, le candidat du Front National, a affirmé quant à lui, dans une conférence de presse, qu'il lui manquait encore 70 à 80 signatures. Il a déclaré qu'il avait obtenu 550 promesses écrites, mais selon lui, les maires se dérobent sous des pressions politiques. J'espère bien y participer, mais dire que je les ai, ce n'est pas une certitude, puisqu'une partie des maires envoie leur signature directement au Conseil constitutionnel et que j'ai enregistré, il faut le dire, un certain nombre de désistements de maires qui n'ont pas respecté leur signature. Il me reste encore quelques jours et il reste aussi un certain nombre de maires hésitants quelques jours pour permettre aux candidats de la droite nationale d'être présents dans le débat politique D'accord. présidentiel. Est-ce que finalement ce serait extrêmement grave compte tenu du fait que finalement les autres candidats ont presque tous, pas les mêmes points de vue que vous, mais finalement vos grandes batailles, on les retrouve un petit peu finalement chez les autres. Eh bien écoutez, hein? C'est au moins le résultat de la politique que je... Même les communistes. Depuis un certain temps, ouais. C'est que j'ai le plaisir de voir, mais hélas exclusivement pendant la période électorale, qu'un certain nombre de candidats ont emprunté les communistes, la lutte contre l'immigration, la drogue et l'insécurité. Monsieur Chirac, une grande partie de mon programme économique, qui est aussi d'ailleurs en partie celui du président Henri Gann, Monsieur Debré, Madame Garot, la lutte contre l'hégémonie communiste, ma foi, je suis assez content sur le plan des résultats obtenus. Qu'est-ce que vous avez de différent des autres aujourd'hui? Ce que j'ai de différent, c'est que moi, ce langage-là, je le tiens à longueur d'année, alors qu'ils ne le tiennent que pendant la campagne électorale. Oui, j'ai des différences sur certains autres points. Par exemple, l'un des points qui a été évoqué tout à l'heure, la peine de mort. Je considère que les dérobades des hommes politiques responsables devant le sujet fondamental, qui est la sécurité des Français, eh bien moi, je suis un partisan du maintien de la peine de mort, non seulement dans les textes, mais même, si j'ose dire, dans la pratique. Parce que ce qui m'intéresse, moi, et ce qui intéresse d'ailleurs les Français, c'est la sécurité de l'ensemble de la population et singulièrement le cas des 550 personnes environ qui sont assassinées tous les ans. D'accord. Parlons clair sur France Inter. Joseph Paltoux reçoit ce matin Arlette Laguiller, candidate de lutte ouvrière aux élections présidentielles. Alors qu'il n'était question que des difficultés de ce que l'on appelle les petits candidats, franchir le barrage des 500 signatures, vous avez créé la surprise, il faut bien le dire, en annonçant que vous aviez, vous, ces signatures. Il reste bien sûr au Conseil constitutionnel à les vérifier, car vous les lui avez remises dès hier. Alors, comment vous y êtes-vous prise? Est-ce que vous avez eu du mal d'abord à les recueillir? Il y a eu effectivement des pressions de l'administration et des pressions des partis politiques sur les maires. Pour vous donner l'exemple qui est le mien, j'avais recueilli en octobre, novembre, décembre de l'an dernier 2265 promesses écrites de maires qui acceptaient de parrainer ma candidature. À la suite des pressions, j'en ai eu finalement beaucoup moins, puisque j'en ai déposé 500 hier au Conseil constitutionnel, mais c'est pour vous montrer à quel point ces pressions ont été fortes. Je dois dire d'ailleurs que je trouve que la presse, la radio, la télévision ont une certaine responsabilité aussi là-dedans, parce que au début on a dit mais il y aura trop de candidats, il y a la multiplicité des candidatures, et ça aussi ça a vous, finalement vous fait pression si, vous sur vous imaginez les maires. Si les 60 postulants étaient en lice. Eh bien écoutez, c'est pas si souvent justement que des gens qui ont des choses à dire et qu'on n'entend jamais peuvent un petit peu parler à la radio et à la télévision. Bien, Arlette Laguiller, vous réapparaissez, j'allais dire, c'est méchant, comme un fantôme à chaque échéance électorale, mais entre-temps, que devient votre organisation Lutte Ouvrière? Est-ce qu'elle n'est pas de plus en plus écrasée par les deux formations de gauche qui s'adressent en priorité aux travailleurs, le Parti Socialiste et surtout le Parti Communiste, et sans un porte-parole comme vous, on se demande ce que serait Lutte Ouvrière? Bien, justement, je crois qu'on peut dire que nous allons très bien. Parce que, autant je pense qu'en 74, je n'aurais pas pu franchir le barrage, comme d'autres aujourd'hui ne vont pas pouvoir le franchir. Oui, parce qu'il faut rappeler que vous avez été déjà candidate, oui, et que vous avez oui, obtenu, je ne sais plus combien, 2 petits pourcents de suffrages. Oui, 600 000 voix, 2,30% des voix. Et d'ailleurs, vous savez, si la loi électorale n'était pas ce qu'elle est, Lutte Ouvrière aurait une dizaine de députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Sauf qu'il y a des lois qui sont faites sur mesure, justement pour empêcher les minorités d'être représentées. Alors oui, nous allons très bien et nous apparaissons tous les 7 ans. Oui, tous les 7 ans, nous brisons un petit peu le monopole. Reconnaissez que beaucoup le de monopole gens... des grands partis sur la radio et la télévision. Beaucoup de gens ignorent jusqu'à votre existence, Lutte Ouvrière. Mais justement pas, je crois que ça n'aurait pas été possible d'avoir les 500 signatures si ce que vous disiez et ce que vous dites est vrai. C'est pas vrai. Si c'était vrai, on n'aurait pas pu avoir les 500 signatures. Et je vous dis, en 74, on les aurait pas, certainement pas. Ça aurait été beaucoup plus difficile aujourd'hui. Parce qu'effectivement, nous commençons à être connus, à avoir une estime. Je vous répète, on pourrait avoir une dizaine de députés à l'Assemblée si la loi n'était pas faite sur mesure par la majorité. Élection présidentielle, jour J, moins 18. C'est devant Roger Frey que les portes du Conseil constitutionnel ont été solennellement verrouillées hier soir à minuit. Une seconde plus tard, un garde affichait que le délai pour le dépôt des formulaires de présentation était clos. Nous connaîtrons donc demain soir le nombre exact des candidats à l'élection présidentielle, en principe 10. Jean-Marie Le Pen, le 11e candidat éventuel, arrivé hier avec 10 minutes de retard, arrivé hier 10 minutes avant l'heure de clôture, conserve un petit espoir. Ah, je n'en ai pas plus de 300 là, je suis à quelques unités près, je sais qu'il y en a plus de 300. Le conseil va les compter là. Vous êtes état de 475 signatures à votre comité. Oui, mais attendez. Votre comité ce matin, vous avez reçu. C'est-à-dire qu'il y a les maires qui nous ont promis de les envoyer eux-mêmes, n'est-ce pas? Alors ça, je pense qu'ils y sont. Alors, donc si je viens les déposer, c'est que je pense quand même qu'il y a une chance de franchir là-bas. Autrement, je serais resté chez moi. Élysée 81, de l'Union de la gauche à la présidentielle de 1981. Je vous appelle toutes et tous à une ardeur nouvelle. Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Françaises, Français, mes chers amis. Merci aux documentalistes de l'INA et à Sophie Schleblin de la documentation d'actualité. Stagiaire Talia Haussmann. Lecture Samuel Glomé et Nathalie Canoui. Coordination Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Page internet Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Prise de son Jean-Louis Deloncle. Mixage Claude Niort. Un documentaire de Christelle Le Polothèque et Anne Fleury.